Everybody clap your hands. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Hein? Ok, Eddie, c'est chaud. Ah, regardez l'enfant qui est là. Grâce à la série d'ouvrages, les plus belles histoires de la Bible, j'ai compris que la parole de Dieu est un véritable trésor. Comprends-tu ce que tu lis? Ah oui, c'est facile à lire, c'est tout en couleurs, et j'apprends l'histoire des personnages de la Bible qui ont réussi à surmonter les difficultés avec l'aide de Dieu et qui ont réussi dans la vie. Alors, on danse, tout le monde! Les plus belles histoires de la Bible, les histoires accessibles, les plus belles histoires de la Bible, yeah! Les enfants, les plus belles histoires de la Bible, yeah! Les histoires irrésistibles, les plus belles histoires de la Bible. Éduque les enfants, yeah! Qui donc est Dieu qui nous remplit d'amour et de tendresse? Il n'y a pas son pareil, il est unique. Qui donc est Dieu qui nous remplit de force et de sagesse, sa résurrection? Danse avec moi. Qui donc est Dieu qui nous donne son amour et nous protège? Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Qui donc est Dieu, celui qui fait de moi une vraie merveille? Ouais, tu n'es pas n'importe qui. La plus belle histoire de la Bible, les histoires accessibles, les plus belles histoires de la Bible, yeah! Éduque les enfants, les plus belles histoires de la Bible, yeah! Les histoires irrésistibles, les plus belles histoires de la Bible. Éduque les enfants, yeah! Je vais vous raconter l'histoire de Joanie. C'était un enfant qui n'aimait pas lire. Et voilà qu'un jour, sa mère lui offre ce bouquin, la plus belle histoire de la Bible. Il est resté scotché sur ce livre jusque très tard dans la nuit, tellement les histoires étaient intéressantes et faciles à lire. Plus il lisait, plus il sentait l'amour de Dieu l'envahir. Sa mère lui dit: tu devrais aller te coucher, mon enfant. Lui répond: maman, maman, c'est trop chic, je ne peux pas m'en passer. Sa mère lui dit: je comprends, Joanie, je t'offrirai les autres tomes, c'est la joie dans la famille. Aujourd'hui, Joanie lit tous les jours, il est très brillant à l'école. J'aimerais que tu fasses comme lui, alors nous allons danser avec Joanie. Alors dansons la plus belle histoire de la Bible. On saute les histoires accessibles. On crie la plus belle histoire de la Bible. On danse. Éduque les enfants. La plus belle histoire de la Bible. On saute les histoires irrésistibles. On chante la plus belle histoire de la Bible. On loue. Éduque les enfants. C'est la plus belle histoire de la Bible. Les histoires accessibles. Il reste pas une histoire de la Bible. Éduque les enfants. Yeah. Assez.